Si oui, ne comprends pas tout. Le 22 mars 2070, une petite fille nommée Si oui vivait dans une planète de la technologie poussée à l'extrême. Les humains ne parlaient plus avec des mots, ils utilisaient des images et des sons qui passaient dans leurs yeux grâce à des écrans spéciaux. Elle vivait dans un grand bâtiment flottant comme un bateau qu'on appelait la Tour de Babel. Ce bâtiment était très haut et très respecté, presque vénéré par les adultes. Tout le monde croyait que c'était la meilleure invention du monde. Mais dans cette planète très connectée, les habitants étaient souvent isolés. Chacun vivait seul dans sa petite pièce sans jamais se toucher ou se parler ou se voir. Chaque matin, les humains regardaient une image spéciale comme une prière. Ce qu'on voit le matin avait une grande valeur sacrée. Cela aidait les gens à savoir comment se sentir et quoi faire pendant la journée. Et ce matin-là, Si Oui ne comprit pas tout. L'image était bizarre. Une forme noire, sans couleur, sans son. Elle demanda à ses parents ce que cela voulait dire, mais ils ne lui répondirent pas. Ils étaient trop occupés à regarder leurs écrans. Alors Si Oui décida de partir. Elle descendit tout en bas de la tour de Babel, là où personne n'allait jamais. Et là, elle sentit une vibration d'une musique différente. Ce n'était pas la musique dominante que les machines jouaient tous les jours. C'était une vraie chanson jouée par un vieil homme sur un vieux piano. Le vieil ami lui dit: Tu sais, ne pas tout comprendre, ça n'est pas grave. C'est même important. Ça te donne du pouvoir, celui de poser des questions et de penser par toi-même. Si oui, sourit. Pour la première fois, elle se sentait vraiment vivante.